Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. 18h01 sur Skyrock, c'est parti pour Skyrock Classics. Passez un bon dimanche soir, on se détend avec les classiques, les sons, les anciens numéro 1. Les plus grands succès qui ont fait la puissance de Skyrock aujourd'hui. Les meilleurs titres rap R&B depuis qu'on est premier sur le rap. Avec plein d'artistes qui déchirent ce soir. P. Diddy notamment, Jay-Z, NTM. Il y aura ASAP Rocky, Pharrell, Rof, Wayside Connection, Cynic, The Games, Tommy Bugsy. Bon, je vais faire toute la liste, hein. Bon, faut écouter l'émission. Jusqu'à 20h, les plus grands classiques de Skyrock à retourner. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit tweet, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Skyrock Classics et tous vos messages aussi, on les attend. Si les sons vous rappellent des bons souvenirs de vacances avec une certaine meuf ou un certain mec et tout, n'hésitez pas à nous dire. Ça se passe sur l'appli Skyrock, téléchargeable gratuitement sur Android et sur iPhone. P. Diddy, Kesha Cole, c'est ce qu'on écoute maintenant pour attaquer l'émission. Voici Last Night, Jay-Z, Hard Knock Life et NTM. Joystar et Kushen, tout n'est pas si facile sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. Last night, couldn't even get an answer. I tried to call, but my pride won't let me die. I know you can hear me. I know you can feel me. If I told you once, I told you twice. You can see it in my eyes. I'm all cried out with nothing to say. You're everything I wanted to be. If you could only see, your heart belongs to me. I love you so much. I'm yearning for your touch. Come and set me free. Forever yours I'll be. Baby, won't you come take this pain away? Last night, couldn't even get an answer. But baby, what do you wanna do to me? Alright. Why would let me die? Why would you just tell me then? Oh. And I'm sitting here with this blank expression. Classics, classics, classics. 18h-20h. Take the bass line out. Jiggle. Bounce. Let it bump. It's the hard knock life for us. Steady three, that's three. Yeah, six. Steady three. For driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips. Or shots. And if you with me, mama, rub on your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. It's take the dough and stay real jiggy. It's sip the Chris and get pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. Flow for those drooled out. All my niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I flow for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? I gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustle's still inside of me. And as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out. Put Jigger on top, and drop albums non-stop for ya, nigga. Skyrock Classics. Déjà le hip-hop en France faisait ses premiers pas. Il n'y avait pas de règles, pas de loi, non, surtout pas de contrat, pas de problème entre toi et moi. Tout était clair, du but à la manière dont tout devait se faire. Night Novice m'est tellement fier d'évoluer dans un système parallèle où les valeurs de base étaient pêle-mêle. Peace, unity, love and having fun. Le hip-hop n'a jamais eu besoin de gun ni de gang, de toys ni de bande, mais plus tout de la foi de ceux qui en défendent la mémoire. Et les valeurs essentielles, celles qui créent encore l'étincelle lorsque je me rappelle des premières heures du terrain vague de la chapelle. À l'époque, les héros s'appelaient actuels. Lucien dynastique de Colémio, big up pour être resté haut. Si longtemps tout en haut, de l'affiche aussi haut, haut que le flow. De mémo, de mémo, de mémo. Il en aura fallu du boulot, des heures et des heures et des jours et des jours et des années même. Pour que le hip-hop tienne, tout ne fait pas si facile pour le suprême. Donc l'on se doit d'être habile, car l'amitié mais aussi la sincérité, ouais, sont les choses qui à tout moment peuvent déflagrer. C'est le côté obscur que cache notre nature. Ouais, j'en ai l'exemple, ça m'a foutu une trompe qui m'a ouvert les yeux sur ce sujet bien épineux. Tant mieux. Croyant que la galère nous ralliait sous une bannière, croyant que la galère faisait de nous des frères. Hier c'était le cas, pas si longtemps, dis-moi. Non, 3-4 ans maximum, plus il y a eu mal donné. À savoir la façon dont a évolué notre histoire, et au combien l'unité même en pensée était le soir. Ah, c'est bon, laissez tomber les mouchoirs, c'est ok. On est toujours là pour foutre la foire. Effectif diminué et un obstacle déjà sauté qui nous a à peine freiné, mais sachez que tout va se ensemble. On a construit ensemble. Je me remémore les discussions que l'on avait ensemble et nos rêves. Tu t'en souviens de nos rêves quand on était dans les hangars, quand on sentait monter la fièvre. Putain, c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à défoncer des trains, je ne regrette rien. On a tellement tutoyé deux fois le bonheur qu'on pourrait mourir demain. Sans regret, sans remords, notre seule erreur était de rêver un peu trop fort en omettant le rôle important que pouvait jouer le temps sur les comportements de chacun. Pourtant, on venait tous du même quartier, on avait tous la même culture de cité. Ouais, c'était vraiment l'idéal, en effet, on avait vraiment tout pour réussir. Mais tout n'est pas si facile, les destins se séparent, l'amitié c'est fragile. Pour nous, la vie ne fut jamais un long fleuve tranquille, et aujourd'hui encore tout n'est pas si facile. Now me call me lover, lover who me calling and the one tell me, and me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a stormy, I be cool and deadly. Yes, the one MC Shan and the one that is slow. Together we all have a miss a tornado. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take them on the city, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take them on the city, say that I'm a stormy, start stumble down the lane. I like to bum them, so listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, with the microphone, but the rock on stage. You see that in my stomach, yeah, the heart to cut on. But in the inner, I have the dance, and me say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, don't know what you have to know. People are people, man, is all a man know. Yeah, my shoes and them tear up, and I'm a toes just a show. With me, I'm ballin' all the one Toronto, so inform. You know, say that I'm a slum, me, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. Take the man, I say, say that I'm a slum, me, stop, slum, without a lane. I lick it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a slum, me, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. Take the man, I say, say that I'm a slum, me, stop, slum, without a lane. I lick it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's slum, me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stormy, yeah, the boom shaka tell me never lay you down flat, and now I'm cardboard box. You say that I'm a stormy, I go reaching at the top, so informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, stop, stormy, without a lane. I like it, boom, boom, damn. Informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, stop, stormy, without a lane. I like it, boom, boom, damn. Why would we? Why boy, in boy, in boy. Been sitting around cooling with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer. Informer. You know, say that I'm a slummy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a slummy, stop, slum, without a lane. I like it, boom, boom, damn. Informer. You know, say that I'm a slummy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a slummy, stop, slum, without a lane. I like it, boom, boom, damn. Diddly-dong, diddly-diddly-dong, damn, boy. Ing-boy, ing-boy, ing-boy. C'est Skyrock, premier sur le rap et premier sur le classique. Chaque dimanche, 18h-20h, Skyrock Classics avec les sons qui ont fait l'histoire de Skyrock. Snow, Informer, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. On prépare ASAP Rocky avec Drake, avec Kendrick Lamar, gros son US en version Skyrock en plus. Fucking problème. Nutty, El Torrent Dingue, Pharrell Williams Sapi, Renfacia 591. Tout ça avant 18h30. Et juste avant, je vous parle du morning de D-Fool qui sera de retour demain matin entre 6h et 9h avec bien entendu vos chèques de 1500€ à choper si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio téléphone. Ça se passe toutes les 30 minutes, le coup de fil. D-Fool appelle chez vous, au hasard dans l'annuaire ou sur les inscriptions. Il vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est 1500€ dans la poche pour augmenter vos chances de gagner, d'être tiré au sort, d'être appelé. C'est 1500 que vous envoyez maintenant au 7-20-20. 1500 au 7-20-20. Et on vous souhaite bonne chance pour choper les 1500€. D-Fool vous offre de la thune tous les matins et Romano en gagne. Écoutez comment il fait. Classics, KLA2SIKS. I bump skyrock, that's my fucking problem. And yeah, skyrock, what's the fucking problem? I bump skyrock, that's my fucking problem. And yeah, skyrock, so what's the fucking problem? I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real, that's your fucking problem. Bring your girls to the crib, maybe we can solve. Hold up, bitches in my dime. Taking hella long, bitch, give it to me now. Make that thing pop like it's in me over nine. Ooh, baby, like it raw with the shimmy, shimmy. Yeah, huh? ASAP, get like me. Never met a motherfucker fresh like me. All these motherfuckers wanna dress like me. But the chrome to your dome make you sweat like me. Cause I'm the nigga, nigga. Like how you figure, getting figures and fucking bitches. She rolling switches, bought her bitches. I bought my niggas, they getting bent up off the liquor. She love my licorice, I let her lick it. They say money make a nigga act niggerish. But at least a nigga, nigga rich. I be fucking broads like I be fucking bored. Turn a dyke bitch out, have a fucking bars, beast. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can. us out. So I know you love it when this beat is on. Make you think about all of the niggas you been leading on. Make me think about all of the rappers I've been feeding on. Got a feeling that's the same dudes that we speaking on. Oh word, ain't heard my album, who you sleeping on? You should print the lyrics out and have a fucking read along. Ain't a fucking sing along unless you brought the weed along. And just, okay, I got it. Then just drop down and get your eagle on. Or we can stare up at the stars and put the Beatles on. All the shit you talking about is not up for discussion. I will pay to make it bigger, I don't pay for no reduction. If it's coming from a nigga, I don't know, then I don't trust it. If you coming from my head, then motherfucker get the bussin'. Yes, Lord, I don't really say this often, but this long dick nigga ain't for the long talking, I beast. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. You're finding somebody real, it's your fucking problem. Bring your girls to the crib, maybe we can solve it. Yeah, ho, this the finale. My pep talk turned into a pep rally. Say she from the hood, but she live inside the valley. Now vacated in Atlanta, then she going back to Cali. Got your girl on my line, world on my line. The irony, I fuck them at the same damn time. She eyeing me like a nigga don't exist. Girl, I know you want it, dick. Girl, I'm Kendrick Lamar, aka Benz is to me just a car. That mean your friends is need be up to par. See, my standards are pampered by threesomes tomorrow. Kill them all, dead bodies in the hallway. Don't get involved, listen what the crystal ball say. Holly, Berry, hallelujah, holla back, I'll do ya. Beast. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. You're finding somebody real, it's your fucking problem. Bring your girls to the crib, maybe we can solve this. Skyrock classique, classique, 18h-20h. Ouais. On veut dédicacer à tous les lovers du monde entier, tous ceux qui s'aiment et qui savent ce qu'il faut endurer. Le jour se lève encore ici-bas, mais la vie n'a plus le même éclat. Et si le soleil brille, baby, il ne brille plus pour moi. La journée s'annonce claire et limpide, mais dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. Elle te rend ding ding ding quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding. Boy, quand elle whine dans son shot. Et y'a pas que chez toi qu'elle a causé un choc, qu'elle est trop belle. S'il est trop maligne pour toi, dis-toi qu'une fille comme elle ne se dompte pas. Laisse courir, boy, car ça devait finir comme ça. Un enfant comme de plus sur son agenda. Quant à toi, oublie-la, elle a déjà une nouvelle proie. L'option où elle levait, t'as perdu tous tes droits. Tu cries zim zima, elle ne reviendra pas même avec tes Elle ne veut plus de toi, elle te rend dingue. Boy, quand elle a son poum poum chante. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding ding ding. Quand elle whine dans son chant. Et y'a pas que chez toi chum. Rien ne sert de lutter, le temps ne pourra jamais l'effacer. À quoi bon résister, car dans mon âme son image est gravée. L'amour c'est pas juste belle bonda. Batty rider, y'a besoin plus pose pour garder forme là. Sa mamzelle, pas ni ton pour bao, pas ni ton pour woman ça ou là. Si ou pas t'es ni l'esprit pour contrôle bon t'as là. Ou t'es ni à ça, que ça te caille fini con ça. Boy, pas femme t'es ta oublié histoire ou t'as là. Elle te rend ding ding ding quand elle a son poum poum. Quoi? Chante, et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding. Boy, quand elle whine dans son chante. Et y'a pas que chez toi qu'elle a causé un choc choma. La nuit se couche encore ici-bas. Les soirées n'ont plus le même éclat. Et si la lune brille, baby, elle ne brille plus pour moi. Les étoiles se font claires et limpides, mais dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. Elle te rend ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Avec le son de Skyrock, Urban Music Non-Stop et 100% classique entre 18 et 20 chaque dimanche soir avec Pharrell Williams, ça fait plaisir. On écoutait Happy à l'instant sur Skyrock, vous êtes happy d'écouter l'émission en plus. KF Dorian en mode Skyrock Classics comme tous les dimanches soirs et qui nous dit aussi le meilleur moment de la semaine, c'est Skyrock Classics. Bon, merci à vous tous d'écouter l'émission, c'est jusqu'à 20h avec plein de sons à écouter. Cynique qu'on vous prépare, Cœur de Pierre, il y aura aussi Akon et Snoop Dogg en Skyrock version I Wanna Fuck You. C'est pas bien de dire des gros mots comme ça. Et il y a aussi West Side Connection avec Ice Cube. Bow Down juste après un extrait de l'album de Rof, c'est La Vie Avant la Mort 5-9. faim, ça signifie 5 minutes de relation, 9 mois de grossesse et une bouche à nourrir. Pour tous ceux qui ont eu des enfants très très tôt, c'est Rof qui a fait un son pour vous sur Skyrock, premier sur le rap. Dressé au sexe féminin, mineurs et ados qui ont déjà des responsabilités de femmes, chères demoiselles ou dames, qui ont un mot ou deux sous les bras, volé au nom, volé de l'acte, du contact sous les draps. 5 minutes de plaisir, 9 mois d'attente, une bouche à nourrir. Toi seul connais cette souffrance éprouvée de mettre un enfant au monde. Même le gilet habitué, touché par la scène. Je suis sûr que t'aurais du mal à trouver les mots pour décrire la scène. Sans les vrais trop de charme, tellement que l'instant est émotif. Quand t'entends ces cris de pleurs, tu le poses sur ton cœur. Qui bat fort comme jamais, c'est le soleil qui illumine ton existence et ton bébé. Retour à l'enfance quand tu joues à la poupée. C'est ta poupée chère, c'est ta chair, ce que t'as de plus cher. Un prix inestimable aux enchères. Tu passes même devant son père, aussi comblé par cette merveilleuse aventure. Car après tout, c'est son sang, sa progéniture. Qui reconnaissent leur môme, qui se défilent pas, assument comme des bonhommes. Même quand ils pleurent toute la soirée, capable de lui préparer le biberon, changer ses couches, le père, c'est les femmes, trouve ça mignon. Bah oui, maintenant c'est tout pour lui. Sans doute t'as raison de vivre aujourd'hui. Ton point de repère, tes appuis, t'as le rôle du père. D'ailleurs, tu dois mieux comprendre le tien. Encore plus celle qui t'a mis au monde, qui te soutient, c'est la nature. C'est pas plus mal, ça te rend plus mature. Quand tu pousses la poussette ou que t'amènes à son siège dans la voiture, même tes potes les plus durs sont attendris à sa vue. Te félicite le bouffe de bisous, t'as même la cote, ça veut. Ne crois pas en conscience. Un bébé est là et tu penses. 5 minutes d'inconscience. Ne crois tenter l'absence. Un enfant qui a manqué de chance. Le bébé grandit, souvent ça se passe mal quand le père garde le profil de bandit. Pour tous les couples de banlieue, les papas du ghetto qui pourront mettre aux problèmes financiers risquent le pénitencier. Bien malade qui profite jamais, faut faire un choix. Les visites au parloir en larmes, c'est pas la joie. À force de déprimer, tu te lasses de ses promesses. T'as mis de côté tes études, sacrifié ta jeunesse. Ma vie, mon bonheur, tout est gâché. Ça va s'arranger. Et moi je l'aimais, mais ma mère ne veut plus me parler. Et la sienne. Et le gosse c'est pas bien, on laisse pas n'importe qui. Pour aller n'importe où, n'importe quand, faire n'importe quoi avec n'importe qui. Prends-le pas mal, je dis ça, parce qu'il y a des michetonneuses qui salissent comme ça. Ma mère a toujours été là pour moi, et j'en suis fier. Mariée vierge à 15 ans, m'a eu à l'âge de 16 ans. Contrairement à mon père, présente à toutes les saisons. Garde la foi, reste sans ça avec toi-même, tu comprendras que c'est un raison. Classics. Classics. The world is mine, nigga, get back. Don't fuck with my stack, the gauge is racked. About to drop the bomb, I'm the motherfucking Don. Big fish in a small pond. Now the fish trying to throw they book at the crook, but I shook. They worm and they hook. Guppies hold they breath. They wanna miss me when I'm tipsy. Running everything west of the Mississippi. It's the unseen, pulling strings with my pinky ring. We got your woman, pucker up, but we fuck her up. Bow down before I make a phone call. Got 25 niggas running up on y'all for the cheese. We want them keys. Everybody freeze on your knees, butt naked, please. Before any of you guppies get hurt, nigga, rewind my part, fool, and bow down when I come to your town. Bow down when I'm west with bass. Bow down. I ain't a hater.

compris depuis tout petit. Les femmes t'embrassent mais t'oublient. Je n'aime que le shit et le peura en apparence. Patience, les sentiments sont en partance. Pas de chance, évitons de se leurrer. Je ne sais plus où je vais, mais sache que tous les lascars se cachent pour pleurer. À mon avis, la vie t'apprend à baiser le hall, à faire des caresses à la mort, dominer de la tête et des épaules. Je ne peux vivre, tu vois ce que je veux dire. L'amour te dit au revoir, merci pour tout, je me tire. Et toi t'espères, mais t'as tort. Tu souffres et t'attends, tes plus beaux rêves se sont fait percer la gorge. Tout le monde sait que sans les miens, je serais malade. Je serais sans doute pas là, j'aurais foutu en l'air ma life. C'est Skyrock Classics avec les originaux de Skyrock. Convict, convict, music, music, and you know it's Skyrock. I see you winding and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know that this is Skyrock. Skyrock, you already know. Feel. Grab you by your coattail, take you to the motel. Wholesale, don't tell, won't tell. Baby say I don't talk, dog, but she told on me. Oh well, take a picture with me. What the flick gon' do? Baby, stick to me, and I'ma stick on you. If you pick me, then I'ma pick on you. D-O-double-G, and I'm here to put this dick on you. I'm stuck on pussy, and yours is right. Rip riding the poles, and them doors is tight. And I'ma get me a shot for the end of the night. Cause pussy is pussy, and baby, I'm pussy for life. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know that this is Skyrock. Skyrock, you already know I wanna fuck you. Fuck you, you already know. Shorty, I can see you ain't lonely. Handful of niggas and they all got cheese. So you're looking at me now, what it's gonna be? Just another tease, far as I can see. Trying to get you up out this club. If it means spending a couple dubs, throwing about 30 stacks in the back, make it rain like that. Cause I'm far from a scrub. You know my pedigree. Ex-dealer used to move amphetamines. Girl, I spend money like it don't mean nothing. And besides, I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the floor. Club in a low pressing. I'm sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I can see you. Mm. It's cool, we jet, the mood is set. Your pussy is wet, you're rubbing your back and touching your neck. Your body is moving, you're humping and jumping. Your titties is bouncing, you're smiling and grinning and looking at me. Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio. Move the patty to the caddy. Baby, you got a fatty, the type I like to marry. Wanting to just give you everything, and that's kinda scary. Cause I'm loving the way you shake your ass. Bouncing got me tipping my glass. Normally don't get caught up too fast, but I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know that this is Skyrock. Skyrock, you already know I want.

1989 MC, microphone controller, master of ceremonies. So remember why you hating. I'm naughty by nature, you're sever by association. Which meaning that you fake ass niggas, you connected to them snake ass niggas. Don't come up in my face ass niggas. You tryna keep on rhyming like you didn't know. Naughty by nature came to save you from them bullshit shows. We touch, but yeah, I see the D's like in the B, S, E, and G truck. They watching us, slam, knocking us through binoculars. My nigga, I can ask about them locked to the top of us. They take the topic, ain't no profit. But give me your picture and a compass, and I'll do a Nostradamus. Find that ass on a quick spot. Catch it slipping like ice and silk socks. The cover of your album, be the back of milk box. See, I'm a nipper, hit a shitter like an old timer. Mama, I dig a vagina like a gold miner. I'm a rebel, rhyme, time, trauma. Minus your mama, equal a lot less drama. Let me talk to you, mommy. Maybe you could come to Dirty Jersey, Jeru, with your crew. You bring the ass, I bring the brew. And hit some thug cash in the room. Sent it from his and hashing. Niggas hot, talking about crashing. We came here to party, going to get. Sure as my name's been rocked, in 99 I will officially reopen up the block and dedicate my life to preservation of hip-hop. I'm tired of seeing the people of my culture getting shot, and now I must step up because I know that's all we got. I must do it, pursue it before all the maggots make it drop. Hip-hop, it ain't gon' die, it's gon' diversify. And as long as I'm alive, I'm gon' promote the art. And no matter how many people try to use or diffuse it, it ain't nothing like hip-hop music. Classics tous les dimanches 18h-20h sur Skyrock. Stand up all, some go so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue, and I might not play number two. All I know the time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of dental in my bed to run that real. Well, I know flick a girl, them out the road, them got the goody, goody. One thing me up, it tell them don't take out the woody, woody. Front way, back way, cut it, came on off it, shove it, shove it. Virgin, them want give me, and me up, it took it, took it. Hot girls out the road, I said them, see me, see me. And I tell me, say them have something for gimme, gimme. How much time I night, them all a dream about the Jimmy, Jimmy. Them a promise, and I tell me, say a fimmy, fimmy. But a promise is a compare to a fool, so cool. But they don't know, say that man a fi rule, this cool. When I pet them, just wet them up, just like a pool. When I dig me, tell me, I fi use up me tool. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue, and I might not play number two. All I know this time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of dental in my bed to run that real. So how can they want big up them chest? But they don't know that to go put their rate to that the best. I wouldn't they love it's the sound of all this. When I get up in the guy, your only girls with your requests, just give me the girl them. Yo, in every minute I'm with it, forget the girl them. Excuse it and get them regular visit, just give me the girl them. Yo, them all a pressure, me selling last say me. I did that for them off, it be them big papa. Give me the girl them. Off of the chronic, we take a drag, and I don't mean to brag. Every day I got to shag, give me the girl them. Every time I look in on my mind, it's only girls. I want to find out true, me love them design. I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue, and I might not play number two. All I know the time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a little dental in my bed to run that real. Some guy I live them life and them not really want check it. Them not no girl, no wife, no woman, them not select it. Sometimes me have to wonder if them headset them wreck it. Don't know them a go on the fifth, them don't want correct it. Oh please, them no want no bees. Them a go tweet too much dog and catch fleas. Them no want no honey, them only want the money. That's how me know, so them boy, they all a move funny. Look like them lost, living in the past. One thing me have to tell them, sorrow mom, them better move fast before we get cross. Bad man no cater for them just because. Me got so then, well I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. And I'm a now play number two. All I know the time it is getting dread. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of them still in my bed to run that real. Well, I know flick a girl, the motor road, them got the goody goody. One thing me have to tell them that they got the woody woody. Front way, back way, cause they came and have to show me. Virgin, them want give me and me have to tookie tookie. Hot girl, the motor road, I said them see me, see me. And I tell me, say them have something for gimme, gimme. How much time I like them all a dream about me, Jimmy, Jimmy. Them a promise and I tell me, say a fimmy, fimmy. But a promise is a comfort to a fool, so cool. But they don't know, say that man have to rule the school. When I pet them, just wet them up just like a pool. When I dig that a rim, me have to use up my tool. Well, I really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. And I'm a now play number two. All I know the time it is getting dread. Need a lot of cheese up in my head. Got a little damsel in my bed to run that real. But I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. Skyrock Classics, les sons qui ont fait l'histoire de Skyrock. 98 pour la FF, toujours les mêmes envies. Pour tout le monde, s'est dit, putain, je rêve de ça si la vie me l'offrait. J'aurais sûrement moins de mecs à coffrer. Tu sais, la nuit c'est différent, tu croises moins de regards souriants. Avec nos vies de chien, y'a quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus vrai que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim, rien n'est prêt de changer sauf les gueules des bouffons sur les pieds. Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe. On est juste des têtes brûlées à la conquête du monde. Pas de modèle, on essaie tous de se faire une place. Si Dieu veut, nous aussi un jour on sera en... La nuit les yeux sont braqués, poursuivis par la baquée. Faut marquer des points pour l'amour du risque. Aujourd'hui c'est clair, la vie c'est risqué. À tous les coins de rue y'a un flic planqué. Les jeunes n'ont plus rien à foutre, pensent à estanquer. Le soir les loups sortent de leur tanière, on le visse la manière. Partent en balade, un BM, y'a pas de salade. Un bon plan de magasin de sport, c'est parti pour la cascade. Une patrouille de sécurité veille, le coup se fera plus tard. Pour l'instant ça bombarde à la dardar. Motus, mission, faut exposer des radars. 220 sur l'autoroute, même pas le cafard. J'irais plutôt qu'ils se marrent en fumant des pétards. C'est l'heure de se rassasier, direction le centre-ville. Sur le chemin, quelques belles filles. Il paraît qu'avoir une grosse voiture, ça les attire. Tire le frein à même pour le délire. Dans l'action, un petit sourire. Pour savoir s'il y a bon, y'a pas pire. Que des sans-pitié partis pour un fou rire. Bien, mais elles doivent partir. Et eux ont un travail à faire. Ils doivent manger, ça leur donnera des forces pour le danger d'entrer. Les fauves veulent tout saccager. Brûle des feux, ça va mal se passer. Les flics vont les obliger de se ranger, rien à perdre. Ils veulent leur échapper, pas moyen de les tromper. Serré trop près, appuie sur le champignon pour pas se faire attraper. Encapé, l'entrée d'autoroute la plus près, pas de chance. Un barrage, ça met la rage, plus de magasins de sport. La nuit au poste, l'amour du risque, gars, dans un monde critique. Avec nos vies de chien, y'a quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus vrai que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim et rien n'est prêt de changer sauf les gueules des bouffons sur les pieds. De même que mes potes, j'vois toutes mes yeux rouges sang. Le décor d'où j'sors est louche comme mes gars, faut pas que j'bouge sans. La nuit, le monde change, Dieu, et nous en zone sans enjeu. J'suis aux anges en disant que j'viens de là où les gens sont dangereux. Entre amoureux du risque, on se comprend. Avant que tu risques, je dis personne en classe l'apprend. Sans gêne ni gère la nuit, on nuit aux gens, petit commando. Chaque se dit l'argent, faut que j'en mange comme Belmondo ou Jean-Paul Gaultier. Plus rien à foutre, mec, tant qu'il y a le pactole, nique tout. Y'a pas que toi qui lutte dans le béton. Bien dans le coma, l'ami des mômes où ils crament, tout comme à Singapour ou Miami. Une fois la lune pleine, tous pleins d'alcool. Méga déconne, décolle, coin se déconne. On dit qu'on est de l'école. Au QG, on se colle, des feuilles fument, puis ça traîne des filles par le col. En gros, on dit non, mais on se picole. Chaque quartier compte son QG, ses tripots, ses jeunes en mandat. Dépôt, les nerfs à fleur de peau, le manque de peau. On connaît le topo ici-bas, on y est habitué. Comme ces hommes en la Bible qui tuaient, se font innocenter après ça. Dur d'avoir foi en la justice, on s'enliste elle le Titanic. La misère se répand de façon titanesque. Dis-toi que ce qui m'arrive, je l'ai pas choisi, rester docile. Non mais tu veux pas que je me laisse baiser. c'est aussi ici. Pour les parents, y'a vraiment de quoi s'en faire. Même les jeunes les plus braves ont tous leur centre et en enfer. On représente pour l'envers du décor. Je rappe au nom des miens et dès demain, je continuerai encore. Ça rapporte pas des masses, j'avoue, je fais ça par amour du risque. On reste les mêmes dans la vie comme sur disque. Au micro, on lâche le grand jeu, le peps. Je prends conscience de l'enjeu, c'est fuir ma vie de kleps. Avec nos vies de chiens, y'a de quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus fait que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim et rien n'est prêt d'échanger, sauf les gueules des bouffons sur les pieds. Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe. On est juste peut-être brûlés à la conquête du monde. Pas des modèles, on essaie tous de se faire une place. Si Dieu veut nous aussi, un jour on sera. Faut plus qu'on saigne encore les miens, je les aime. Pour eux j'espère fort, ça se dire hyper fort. Je sais que mon groupe perd fort. On n'est pas des exemples, ma vie c'est du freestyle man. Nique Babylone, garde la tête froide mes créances. Sois pas mesquin, mes grands, les alarmes sonnent toute la nuit. Mais j'y fais plus attention. Élevé dans le bruit, les mots me sortent comme la transpiration. À chaque respiration, ma hard monte. Je rappe pour la bravoure, par amour. Tu sais, mais faut qu'on mange, frère, qu'on savoure. Bol de caviar, s'éloigne du système bagnard. J'ai vu trop de vie pourrir, des charognards sourire. Merde, c'est comme une guerre, hold up. Mon mic en fer, voilà à quoi il sert. Mettre à terre, pas serrer des pin-up, frère. FF se dresse plus dur qu'un téton. En tant que chacal à l'affût dans la jungle de béton. Je tire le frein à main, les mêmes moites sales comme Luciano. Rap en rafale, armée de la vérité, ça gêne les idiots. À la tienne, poteau, sur la JB de sous le siège. FF déballe 400 coups, le démon nous tend des pièges. Des fruits de la défense, même pas défendu. Je médite pour voir mes ennemis de crâne fendu. On veut notre du bordel. L'oseille tellement je l'aime, j'y pense comme Faudel. Faudel voit tout ce qui se passe à cause d'elle. FF clan de survivants sortis des rues sans futur. Réunis les frères et sœurs comme les points de suture. Choa. Normal, rien ne change. Avec nos vies de chiens, y'a de quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus fait que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim et rien n'est prêt de changer. Sauf les gueules des bouffons sur les billets. Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe. On est juste des têtes brûlées à la conquête du monde. Pas des modèles, on essaie tous de se faire une place. Si Dieu veut nous aussi, un jour on sera. Avec nos vies de chiens, y'a de quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus fait que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim, rien n'est prêt de changer. Sauf les gueules des bouffons sur les billets. Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe. On est juste des têtes brûlées à la conquête du monde. Pas des modèles, on essaie tous de se faire une place. Si Dieu veut nous aussi, un jour on sera en place. Tu l'avais deviné. Les gueules des bouffons sur les billets. Ça j'ai terminé. Les gueules des bouffons sur les billets. Yeah. caviar dreams. You deserve nothing but all the finer things. Now this whole world has no clue what to do with us. I got enough money in the bank for the two of us. I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. Skyrock, premier sur le rap avec Ludacris sur le son de Fergie, à l'instant Fergie des Black Eyed Peas. Et c'est bientôt Noël sur Skyrock et on vous offre plein de trucs. C'est entre 6h et 9h tous les matins dans le morning de Difool, notamment le tout dernier iPhone 7, la PlayStation 4 Pro, la toute dernière qui déchire avec des graphismes de ouf, et des chèques de 1500€ si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. Ça se passe toutes les 30 minutes. Retour demain entre 6h et 9h du morning de Difool, et pour largement augmenter vos chances d'être tiré au sort et être appelé par Difool, faut envoyer un petit SMS maintenant. Les inscriptions sont ouvertes 24-24, 7 jours sur 7, c'est 1500 en chiffres, 1500 que vous envoyez au 7-20-20, 1500 au 7-20-20, et peut-être que demain matin, Difool t'appelle, te demande quelle est ta radio préférée, la réponse c'est Skyrock, c'est 1500€ dans la poche, bonne chance. Eric Berakim, c'est ce qu'on écoute maintenant, Paid in Full, et on se passe aussi, Stomy Bugsy est un gangster. Il écoute Skyrock Classics. Et ouais, c'est tout de suite. Skyrock Classics. Yo, Rockin', what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right? True. Kara Lewis is our agent. Word up. Zakiya and Forth and Broadway is our record company. Indeed. Okay, so who we rolling with then? We rolling with Rush. Rush Town Management. So check this out. Since we talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I get deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents. I need money, I used to be a stick up kid. So I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. You still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. If I strive, then maybe I stay alive. So I walk up the street, whistling this, feeling out of place, cause man do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper. Me and Eric being a nice big plate of fish, which is my favorite dish. But without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid. So I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full. Akim, check this out. Yo, you go to your girl's house and I go to mine, cause my girl is definitely mad cause it took us too long to do this album. Yo, I hear what you're saying. So let's just pump the music up and count our money. Yo, but check this out. Yo, Eli, turn the bass down and just let the beat keep on rocking. And we out of here. Yo, what happened to peace? Peace. Ma grand-mère le gronde et blabla, il fuit en moins d'une seconde. Skyrock Classics. Some of the lingua franca of the funk business. And people come from miles around with an almost religious devotion to get on down. So glad you're here. Schoolio with the flow back in your ear. This ain't a fantastic voice, but I'm still on the mission. Let's see if I can get your attention. Now I want to drop some information, just a little additive to your education. I live my life by the code of the funk, 600 watt F-18s in the trunk. Put them on the street, you gotta feel my beat. So throw your hands up if you're down with the seat. Double O-L-I-O with the flow. I'm looking for the party, so better go. 1, 2, 3, it's like ABC. If hip-hop didn't pay, I'd rap for free. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for that. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta get up, get down. Gotta get up, get down. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta get up, get down. Gotta get up, get down. If you got beef, then eat a pork chop. Once I get it going, you know it don't stop. I break like any locks. Panties drop from hood to hood, block to block. I need somebody to get it going on in this party. Baby, you can do it, take your time, do it right. We can drink some, y'all can do it all damn night. My name ain't Wonder, but I rock the world. Get more boxed than a Jerry Curl. Too many looking loons be looking for clues. There's a party going on now, what you gonna do? So grab your partner, do-si-do. If you don't know who it is, it's Coolio. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for that. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gotta get up, get down. Gonna get up, get down. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gonna get up, get down. Gonna get up, get down. Push, push, in the bush, but don't step on no toes, cause you might get smushed. It's the brother from around the way. And what I say, I'm in a cone on B like Dr. Dre. Coming at him with a pattern and a fresh pair of atoms. I hope he don't trip, cause I don't wanna have to kick him. So move your body, baby. Try the homies crazy. The way you shake, always amazing. Ain't no party like a West Coast party, cause a West Coast party don't stop. So when you see a young in a Chevy hitting switches, then you gotta get a spot. I got sides in my rise and the motion for your ocean. Coolio got the potion to get the party open. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for that. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gonna get up, get down. Gonna get up, get down. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gonna get up, get down. Gonna get up, get down. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Gonna get up, get down. Gonna get up, get down. 1, 2, 3, 4, get your woman on the floor. Get up, get down. 18h-20h tous les dimanches, c'est Skyrock Classics avec Coolio à l'instant. 1, 2, 3, 4, something new à l'instant dans Skyrock Classics. Dans une grosse vingtaine de minutes, vous retrouvez le HUS. Ce sera les 10 titres rap R&B les plus vendus et les plus téléchargés aux États-Unis comme chaque dimanche soir entre 20h et 21h. À 21h, la spéciale de la plus grande radio libre de France, Vincent est là pour vous mixer les meilleurs moments de la radio libre de Difool. Avant le retour en direct, ce sera demain. Et à partir de minuit, Rail Suprême avec Fred et DJ Kez, 2 heures de son hip-hop orientaux. Ce sera mixé pour vous tout à l'heure. Là, on file retrouver Arrested Development, c'est Mr. Vendol. 113 Jamel Debbouze, célébration. Et un petit tour à la plage maintenant avec la clinique. Que j'admire le paysage, laissant de loin le mauvais côté du bitume, c'est un mirage. Il y a des rats aux fessiers plus généreux de l'alcool, ça sent la chirée. Le papillon en raffole. Les personnes jalouses m'observent, me prennent en photo, comme dans un film dont je suis le héros. Alerte à Malibu, je me jette dans les vagues. Une tasse pêche se noie, c'est si bon pour la drague. Que d'applaudissements, j'ai sauvé une vie. Mais rien n'est gratuit, la victime sera ce soir dans nos lits. Je déguste un cocktail vu harnais sur la tête. Signe des autographes, que veux-tu, je me la pète. Je rentre à l'hôtel, on me file ma suite. Ce soir j'invite mes lasses car les serveuses ont des fuites. Pas de panique, la clinique te donne le déclic. On a tout le temps, on savoure d'abord les...

17h-20h, Skyrock Classics. Test micro. 1, 2, S, S, S. 1, 2, 1, 2, test micro. Ça marche. Wallania. Fais de zolma. Fais radar Skyrock. Je suis bourré. Maghreb United. Fais radar Skalp. 113 frérot. 113 de bouse. Ça reste 114 cousin. Ok, hey. Célébration, fiston, c'est royal, c'est de la frappe, c'est les paradis fiscaux. 113 chevaux fiscaux, j'y vais franco algérien. Si tu sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Bro, allez, sur toutes les lèvres, ce soir c'est l'autre soir, on célèbre. Ray-Ban fumé, parfumé, avec le dernier parfum à la mode, tu peux filmer. On s'est encaissé, prends pas l'adresse dans le GPS. C'est tout droit, je la teste, à part baisse, ça c'est du bel à baisse. Dans la caisse, à baisse, c'est l'aime, les baisse, on est pressé. On a des refaits, les yeux. Célébration. Fini les préjugés, le bled, les chaînes, les passions, c'est le jour J. Range tes soucis. Encore quelques kilomètres et tu seras l'enfant du pays. T'as ramené la baraque, le coffre est plein. C'est Rachid, Mamadou, système, on se met bien. Si tu nous vois, dis machallah. Si tu nous veux, dis inchallah. Si tu jettes l'œil, un gros Ramsar. J'ai mis les dernières Gucci, mignon, on est les affranchis. Tous les gars, moi, sans fil indienne, direction Paris. Cette année, qui se marie, qui prend les paris. Si je banque, je pars au bled avec poteau, au Sheraton, loin du Tiexon. Changer d'air, loin de la pollution. Démarre le raptor, à la douane, toujours une solution. Et garçon, serre-moi la taille, t'es convié à la fête. Maghreb United. Célébration, le sourire au visage, fier, comme ce Mario Bled dans son village. On a des rêves dans les yeux et on vit au présent. Ça me s'excite. Que je trempe dans le chocolat chaud de mon désir. Oh là là. Et t'adores ça. Hein? T'adores ça, hein? Hein, t'adores ça, hein? On a des rêves dans les yeux et on vit au présent. Oui. On prend la vie comme elle vient. On relâche la pression. Suis-nous. D'accord. Suis-nous. Je te suis. Centrage de bouche, laissez passer. Et puis c'est vous. United. Hawaii Mani. United. Scarl Profit. United. United. United. Wow, wow, wow, wow. Psahtek, psahtek. Franchement, psahtek. Franchement, psahtek. Psahtek. Psartek. Et Psartek, Rai Suprême aussi, qui arrive tout à l'heure à minuit. Ce sera deux heures de son hip-hop orientaux mixé par DJ Kez et Fred sur Skyrock. 113, Jamel Debout, c'est ce qu'on écoutait à l'instant dans Skyrock Classic Célébration. Dans 10 minutes, le HUS, mais juste avant House of Pain. Jump around. Jump around. Vous êtes sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale, premier sur les classiques. Tous les dimanches, 18h-20h. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Le bilan vivant est en direct, tonton. Hey. Ouais, il y avait tellement d'ambiance à cette époque-là. Aha. Et comme nous étions des beaux garçons. Et c'est-à-dire que quand je vois que nous fêtons nos 18, nos 30 ans aujourd'hui, alors qu'on fêtait 18 ans hier. C'est vrai. Et Skyrock passait le bilan comme les voitures. T'entends pas ou quoi?

17h-20h chaque dimanche, Skyrock Classics, l'émission avec les sons qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock. C'était Jump Around, House of Pain. À bientôt 20h, le Hit US se prépare. On va découvrir les 10 titres rap R&B les plus vendus et les plus téléchargés aux États-Unis. Stéphane, regarde ces feuilles et fumine de compter les ventes. Exactement, t'inquiète. Le compte est bon, j'ai envie de dire. Le compte est bon, on découvre tout ça pendant une heure alors. Et voilà, je viens de calculer. Donc là, on va découvrir la nouvelle révélation du 8 US. Ne bougez pas. On va savoir si Reshmurd. Mm-hmm. Bah, j'espère que je prononce bien le truc. Hey, Reshmurd, semble-t-il. Franchement, je sais pas. J'ai écouté des interviews américaines du gars. J'ai essayé de voir les, même les Américains eux-mêmes, ils arrivent pas à le prononcer le truc. Donc, ils demandent à l'artiste comment on dit et puis les deux, ils essaient de répondre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, écoute, vas-y, c'est parti. Bon, en tout cas, quel que soit leur nom, on va savoir s'ils sont toujours numéro 1 du 8 US tout à l'heure. Tout à fait, c'est un son qui déchire, donc on vous le passe sur Skyrock. Allez, c'est parti. Ciao, Steph. Ciao. 14h à New York, 11h à Los Angeles. En France.